L'heure du berger. La lune est rouge au brumeux horizon. Dans un brouillard qui danse, la prairie s'endort fumeuse, et la grenouille crie par les joncs verts où circule un frisson. Les fleurs des eaux referment leurs corolles. Des peupliers profilent au lointain, droits et serrés, leurs spectres incertains. Vers les buissons errent les lucioles. Les chats-huants s'éveillent et, sans bruit, rament l'air noir avec leurs ailes lourdes, et le zénith s'emplit de lueurs sourdes. Blanche, Vénus émerge, et c'est la nuit.